cette overdose, filtrer ma boulimie et ma névrose. Stop à ma vie, arrêt sur image, la télécommande a changé de main. Je ne suis plus maître de mon véhicule, arrêt brutal, quelque chose qui percute. Pile rouge, pile bleue, et où peut dormir l'autre pour rêver? Où peut dormir l'autre pour rêver? Ne comprends plus.